Toujours à la même occasion, le corps des attachés militaires en Corée a offert une corbeille de fleurs et une lettre de félicitations au maréchal Kim Jong-un. L'attaché militaire de l'ambassade chinoise Jiang Ping, doyen du corps des attachés militaires, les a remises au général d'armée Park Yong-sik, ministre des forces armées populaires.